réseaux de raisons qui ne sont même pas des excuses. Tu as tes réseaux de raisons, quelques priorités confuses. Puisque tu n'as pas le goût du mensonge autant que nous, la malhonnête pour un sou. Reste un moment de plus, qu'il soit finalement trop tard pour choper le dernier bus du terminus de la gare. Sans chercher à chercher de solution de secours, ne cours pas vers l'arrêt, tu connais déjà ce parcours. Les histoires que portent les constellations. Et si j'avouais n'en rien savoir, j'aurais mon imagination à fleur de rêve, à bout de souffle, en fin de course, quand je vais chasser la grande ours. Un peu au hasard que ton dernier train se casse, qu'il soit finalement trop tard pour que d'autres choix se fassent. Je te mentirai, mais ce sera beau au disgracieux. Je préfère le faux, je préfère le faux. Ton avion quitte ce monde, mais sans toi à son bord. Dans mes histoires, les tapis s'envolent au moins